DJ Lynx est de retour sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Voilà, Rap Contact is back. Les mercredis soirs, un 5 à 7 pour fouiller dans les débris qui ont marqué l'histoire du hip-hop. Soyez-y. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 Pavillon Albert Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Soir, entrez dans la spirale dès 18h sur C'est Fou 89.1. En rediffusion le mercredi de 14 à 15h. Anonymes sont la mèche en marchant mes crayons. C'est fou ça. 89.1. Anonyme, moi je perds mon temps. En me mentant, affirmant être heureux d'un printemps. On est ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes à C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Bienvenue à Connaître ensemble, l'émission pour tout savoir en périnatalité par les étudiantes du baccalauréat en pratique sage-femme de l'UQTR. Mon nom est Jessica Boulanger et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui qui portera sur l'attachement. En passant, les propos tenus lors de cette émission représentent exclusivement l'opinion des membres de l'équipe de l'émission et ne peut être associé à aucune autre organisation. Il ne reflète aucunement l'opinion des sages-femmes. Alors, aujourd'hui, on abordera un thème qui touche les mamans, les papas, les bébés, l'entourage, bref, qui vous touche vous-même, l'attachement. Même si l'attachement entre un bébé et son entourage semble être quelque chose de naturel, on croit que c'est le résultat de sentiments complexes, de circonstances particulières, que l'attachement a besoin de certains ingrédients pour croître et qui n'est pas toujours aussi facile qu'on l'aimerait le croire. Alors, pour prendre le temps d'y réfléchir un peu et de démystifier certains éléments, on a décidé d'y consacrer la prochaine heure. Tout au long de l'émission, on va essayer de répondre à plusieurs questions telles que « Quel est le processus d'attachement? Comment le favoriser? Quelles sont les conséquences d'un problème d'attachement? » et plusieurs autres. Pour y répondre, on va avoir la chance d'aujourd'hui d'accueillir deux étudiantes au doc en psychologie, Jacinthe Bédard-Lacroix et Jessica Pearson. Elles font partie d'un groupe de recherche sur l'attachement des nouveau-nés à l'Université Laval et seront donc en mesure de démystifier plusieurs aspects de l'attachement. Mais tout d'abord, avant d'ancrer dans le vécu des femmes au cours de la grossesse et de l'attachement, on va entendre un témoignage. Vous allez accueillir Mélanie Darcy, mère de deux enfants, qui va vous raconter ses histoires d'attachement durant la grossesse et de sa première rencontre avec ses enfants. À travers cela, on aura aussi une brève capsule sur le rôle que peut avoir la sage-femme pour favoriser un lien fort entre le bébé et les parents. Commençons tout de suite avec Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, on est très heureuse de t'accueillir à l'émission Connaître ensemble pour parler de l'attachement. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors Mélanie, t'es mère de deux enfants, un garçon et une fille, je crois. Oui, c'est ça. À partir de quand penses-tu que le processus d'attachement a commencé? Comme j'ai deux enfants, c'est vraiment deux histoires d'attachement différentes. Pour ma fille, j'ai vraiment l'impression que l'attachement s'est passé dès le début, en fait, dès l'annonce de la grossesse. Pour moi, ça a été, dès ce moment-là, j'ai senti un attachement très profond envers ma fille. Et tout au long de la grossesse, je lui parlais beaucoup et puis je me sentais très, très connectée avec elle. Ça a été une belle grossesse aussi, sans complications. Donc, je crois que ça a beaucoup favorisé mon attachement. Puis c'est sûr que lors de la naissance, bien, ça s'est poursuivi. Pour ce qui est de mon fils, en fait, ça a été un peu plus complexe parce que j'ai vécu à un certain moment un décollement placentaire. Puis, dû à plusieurs saignements et tout, donc je me suis rendue à l'hôpital. On a passé quelques tests et puis, en fait, les pronostics n'étaient pas nécessairement encourageants. Donc, ce qu'on me disait, c'est que peut-être j'allais perdre cet enfant. C'était, il n'y avait rien de sûr. Et puis, pour moi, je crois que ça a vraiment été quelque chose de décisif dans le sens où je me suis sentie prise entre mon besoin de m'attacher à mon enfant, mais aussi mon besoin de me protéger en tant que femme, puis de me protéger aussi d'émotions que j'avais peut-être pas nécessairement envie de vivre. Donc, j'avais l'impression que si je m'attachais trop à mon enfant, puis que je le perdais, j'allais peut-être m'effondrer. Donc, j'étais toujours dans cette dualité-là. Et puis, je vivais beaucoup de culpabilité aussi par rapport à ça. Ça a été vraiment tout le long de la grossesse. Et puis, même, je vous dirais, le jour de mon accouchement, j'y croyais pas encore. Ça a été vraiment... Quand j'ai vu mon fils, quand je l'ai senti, quand il s'est matérialisé devant moi, que j'y ai cru, que je me suis dit là, ça y est, puis que je me suis attachée, ça a été instantané, mais ça a été vraiment plus au niveau de l'accouchement là, que ça s'est fait pour mon fils. Puis, est-ce que durant tes grossesses, ça a évolué ce sentiment d'attachement-là? Oui, oui, c'est sûr que, surtout pour ma fille, je dirais, là, au départ, c'est sûr, je me sentais attachée, mais au fur et à mesure qu'on sent les choses évoluer, par exemple, la première fois, on sent bouger le bébé, c'est une petite connexion physique qu'on a avec l'enfant, ça renforce le sentiment d'attachement, également... quand j'ai entendu la première fois son cœur. C'est tous des petits détails qui concrétisent l'enfant, qui le matérialisent pour moi, puis qui font en sorte que mon sentiment d'attachement grandit. Et est-ce que tu as participé à des cours prénataux qui ont eu un impact sur l'attachement? Oui, j'ai participé à des cours prénataux. Un impact sur l'attachement, je ne sais pas, peut-être pas pour moi, mais peut-être plus pour mon conjoint. Parce qu'il y avait l'occasion aussi d'échanger avec d'autres pères, puis de voir aussi que les autres papas vivaient un peu la même réalité. C'est-à-dire que lui, il ne sentait pas l'enfant bouger à l'intérieur de lui. Il voyait le ventre s'arrondir, mais il n'y avait pas d'autres preuves tangibles qu'il était en train de devenir père. Donc, le fait d'échanger avec d'autres papas, qui était dans la même situation, j'ai vraiment vu, il sentait que son attachement se développait à ce moment-là. Et est-ce que tu as fait des tests de dépistage au cours de tes grossesses? Oui, en fait, j'ai fait une écho morphologique là, à 20 semaines de grossesse pour ma fille. Puis, à ce moment-là aussi, on avait demandé pour savoir le sexe. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça joue un petit peu dans l'attachement, dans le sens où on se dit, oh, bon, on attend une fille, donc on l'imagine un peu, puis on sait un peu plus à quoi s'attendre. Mon fils, lui, ben comme j'ai vécu l'épisode de saignement et tout, donc j'ai eu plusieurs échographies. J'ai eu une échographie de viabilité, deux échographies de viabilité, puis c'est certain que ça aide beaucoup là, à l'attachement parce que comme on vit des saignements et tout, puis là, on a l'impression, on ne sait plus trop si l'enfant est en vie, puis de voir bouger devant nous, de voir son petit cœur qui clignote, bien, c'est certain que ça rassure. Et justement, est-ce que ces images-là, ça, comme au niveau de ta fille, est-ce que ça venait jouer sur l'attachement pour toi? Pour ma fille, un peu quand même, parce que c'est attendrissant aussi de voir le petit pouce dans la bouche, de voir qu'elle se sauve, de l'échographie un peu. C'est un petit côté attendrissant. Mais je dirais que moins que mon fils, vraiment. Mon fils, c'était comme une bouée de sauvetage pour moi l'échographie, de me dire « Ah, OK, il est encore vivant, il est encore en moi. » Pour ma fille, ça jouait quand même un peu, mais je dirais moins, là. OK. Puis tantôt, ça, tu nous parlais, bon, de ton conjoint avec les cours prénataux. Lui, comment ça s'est passé, l'attachement pour les enfants? Ben lui, en fait, c'est ça, comme on discutait ensemble souvent de l'enfant et tout. Puis lui, ce qu'il me disait, en fait, c'est qu'il se sentait moins attaché, il se sentait moins impliqué aussi quand j'étais enceinte. Lui, pour lui, son gros centre d'intérêt, c'était moi. Moi, j'étais enceinte, donc il me prodiguait des soins et tout. Mais ça a été vraiment dès l'accouchement, quand on lui a remis l'enfant dans les bras, puis là, il devait, c'est ça, se prodiguer ces soins-là à l'enfant. Ça a joué un grand rôle dans son attachement, de lui mettre sa couche, de l'habiller, de la bercer, de la caresser. Ça a été très rapide, là, dès qu'il a commencé justement à prendre soin d'elle. Puis c'est drôle parce que moi, je faisais un parallèle, je me disais, bien, en fait, moi, ça fait 9 mois que c'est ce que je fais aussi, que c'est moi qui fais ces soins-là, c'est moi qui va la langer dans mon ventre, c'est moi qui l'abrite, c'est moi qui la berce dans mon ventre. Puis c'est normal, je pense que j'ai cet attachement-là peut-être un petit peu avant, justement, parce que les soins, j'ai commencé à les prodiguer dès que mon enfant est apparu dans mon ventre. Puis, j'aimerais que tu me parles un peu du moment de l'accouchement. Est-ce que tu peux nous raconter ta première rencontre avec tes enfants? Oui, en fait, c'est le moment où j'ai rencontré mes enfants. C'est un moment de grand silence pour moi. C'est un moment de rencontre extraordinaire. Le premier regard de mes enfants, je ne peux pas oublier... ces deux regards qui étaient, pour moi, c'était tellement des regards profonds auxquels je ne m'attendais pas. Là. Moi, je ne m'attendais pas à voir cette... j'avais l'impression de rencontrer deux vieilles âmes. Je voyais beaucoup de connaissances et en même temps d'innocence là-dedans. Il y avait de la confiance. Puis, c'est vraiment... Je voyais un lien avec mes enfants qui... C'est fou parce que tout ce temps-là, tu sens que tu as porté cet enfant-là dans ton ventre. Puis là, il y a comme une distanciation qui se fait de voir que ton enfant, tu peux le rencontrer dans son individualité la plus complète. C'est un moment vraiment très intense. Vraiment, là... Puis, c'est sûr que ça contribue à l'attachement parce que c'est vraiment un moment de connexion entre deux individus. Et est-ce qu'à travers les soins que tu as prodigués à tes enfants, il y a des choses qui ont favorisé ton attachement par la suite? Oui, c'est sûr. Je pense tout de suite à l'allaitement. Pour moi, souvent, je regardais mes bébés puis je me disais « Wow, c'est mon lait qui fait grandir mon enfant. » Puis aussi tous ces moments-là où on l'a collé sur nous. Puis il est dans notre chaleur, il est collé contre nous, il est levé. Mon conjoint aussi portait beaucoup les enfants dans l'écharpe. Puis ça, c'était quelque chose qui rassurait aussi l'enfant. Souvent, les enfants pleuraient puis ils disaient « Bon, moi, je vais prendre le bébé dans l'écharpe. » Puis c'était assez instantané quand le bébé était collé sur le thorax puis il entendait le cœur battre, il sentait la chaleur. Ça rassurait. Puis ça a été des moments aussi qui ont sûrement contribué à l'attachement. Et est-ce que la façon que tu as accouché, ça a venu jouer sur ton sentiment d'attachement qui a suivi? Moi, je pense que oui. Dans le sens où j'accueillais mon enfant et je lui parlais beaucoup durant mon accouchement. Je sentais Je me sentais très en contact avec mon enfant. Je sentais les contractions, je sentais descendre dans mon ventre. Chaque petit centimètre qui le menait vers la sortie, je le sentais. Donc, en même temps, je sentais qu'il quittait mon corps, puis en même temps, je sentais qu'il se rapprochait de moi. C'est assez un paradoxe, mais c'est... Pour moi, je pense que d'avoir accouché peut-être avec une sage-femme, ça m'a permis plus justement d'être en contact avec ces émotions-là. Puis aussi, tout à l'heure, je parlais de la culpabilité que j'avais ressentie à mon fils. C'était quelque chose qu'on avait discuté, puis qui avait une place dans mon accouchement. Donc, d'essayer justement de laisser aller cette culpabilité-là, puis de passer à l'accueil de mon enfant qui était imminente, puis qui s'en venait. Bien, je te remercie beaucoup, Mélanie, pour avoir partagé ton vécu avec nous. C'est vraiment agréable de t'entendre témoigner d'une si belle façon. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Maintenant, j'aimerais prendre quelques minutes avec vous pour parler du rôle des professionnels de la santé dans le processus d'attachement qui a été évoqué justement dans le témoignage de Mélanie. Donc, l'attachement entre les parents et les bébés. Parce que pour qu'une expérience comme celle de Mélanie soit possible, il faut que les professionnels de la santé puissent procurer certaines conditions favorables. Alors, on va prendre quelques minutes pour parler un peu des sages-femmes. Donc, premièrement, durant la période prénatale, la sage-femme va prendre le temps nécessaire, souvent autour d'une heure à chaque rencontre, pour parler avec la femme enceinte et son conjoint s'il est là. Juste le fait d'avoir, durant ces rencontres-là, ce moment pour partager, ça peut permettre au couple de prendre le temps nécessaire pour consacrer autant au bébé qu'à leurs émotions aussi. Grâce aux discussions, aux touchés, à l'écoute du battement de cœur aussi, pour ceux et celles qui l'ont déjà vécu d'entre vous, là, le bébé va devenir une réalité de plus en plus tangible pour les parents. De plus, durant le suivi, une sage-femme va s'assurer que la femme elle-même a assez de soutien autour d'elle pour pouvoir prendre soin de l'enfant à venir. Parce qu'on parle souvent de l'importance pour la femme enceinte de se nourrir bien en aliments pour bien nourrir le bébé, mais il faut aussi penser à sa nourriture psychique, affective. On a besoin d'être nourri en amour pour pouvoir nourrir son bébé. C'est ça aussi. Alors ça aussi, la sage-femme s'en occupe pour assurer le bien-être autant de l'entourage de la femme enceinte que du conjoint. En agissant comme ça, ça met tout en place pour favoriser l'attachement. Puis à la naissance, on peut voir comment la sage-femme agit. C'est avec les mots d'Isabelle Brabant que nous allons vous exprimer comment ça peut se concrétiser. Des extraits de son livre « Une naissance heureuse » va vous être lu par Maud. Alors Maud, si tu veux. Oui. Alors, je vais lire un passage de « Une naissance heureuse » d'Isabelle Brabant qui parle du moment où émerge le bébé. Alors, j'y vais. Quand le bébé émerge du corps de sa mère, la tête à l'extérieur et le reste à l'intérieur, c'est purement un moment d'éternité. Le bébé, encore attaché à sa mère par le cordon, n'est déjà plus un fœtus, mais n'est pas encore tout à fait un être indépendant. Cette transition subtile, mais extraordinairement puissante, a besoin de quelques minutes pour pénétrer l'essence. Précipiter un bébé dans les bras de sa mère, lui annoncer le sexe en primeur, c'est lui dérober quelques instants de son éternité à elle. J'adore ces naissances où la position de la mère, à genoux ou accroupie par exemple, fait que le bébé arrive devant elle sur le lit, plutôt que d'être soulevé et déposé sur son ventre par quelqu'un d'autre. Les femmes prennent rarement leur bébé tout de suite. Elles restent un instant immobiles, puis, doucement, le touchent du bout des doigts, puis de toute la main, et souvent, plusieurs minutes s'écoulent avant qu'elles ne le prennent dans leurs bras. On sent vraiment que c'est une rencontre. Le bébé, de ses mouvements et parfois de ses vagissements, appelle sa mère. Elle se penche vers lui jusqu'à le reprendre sur elle maintenant plutôt qu'en elle. Lentement, à leur rythme à tous les deux, ou à tous les trois. Le bébé arrive et c'est aux parents de le découvrir. C'est le moment où j'aime m'effacer le plus possible. Le bruit, la lumière crue, les paroles dérangent. Sur la pointe des pieds, j'éteins ou je détourne la lumière. Je me tais et fais signe aux autres de faire de même. J'apporte la couverture chaude qui réconforte, détend et permet en dessous le contact peau à peau qui recrée une continuité avec la vie intra-utérine. Au besoin, j'aide la mère à trouver la position dans laquelle elle sera confortable et qui lui permettra d'avoir son bébé bien en face d'elle pour être là lorsqu'il ouvrira les yeux. Le père trouve, lui aussi, la place qui lui permet de bien voir le bébé pendant qu'il est en face de sa mère. Personne ne devrait entrer bruyamment dans cette chambre jusqu'à ce que les parents, d'eux-mêmes, émergent doucement de la bulle qui s'est créée. Alors, c'était Maude qui nous lisait des extraits du livre « Une naissance heureuse » d'Isabelle Brabant. Pour terminer, sur le suivi des sages-femmes en lien avec l'attachement, je vous dirais que plusieurs autres facteurs de la manière d'être des sages-femmes agissent aussi, par exemple, le soutien à l'allaitement pour celles qui le désirent. Mais en bref, on peut dire que loin de ne s'occuper que de la santé physique de la mère et du bébé, les sages-femmes cherchent à favoriser un lien solide entre les parents et le bébé en agissant quand il faut et en s'effaçant quand il le faut aussi. Elles centrent leur attention sur la mère en incluant le conjoint, car elles croient qu'une femme bien avec elle et un couple solide sont des conditions gagnantes pour favoriser l'attachement. Voilà une partie du travail des sages-femmes. Nous allons maintenant aller en musique avec la chanson « Période bleue » de Jeanne Birkin, puis nous reviendrons après suite à une pause publicitaire pour continuer notre entretien sur l'attachement pour l'émission « Connaître ensemble ». Je cherche les images roses. Suppose que je me sois trompée. Je trouve un polar gay. Toi en Panama, la paix, la longue. Et moi, me rebonsoir la troll avec ses larges oreilles. Gentil comme ça me plaît. Et parce que je partais la nuit comme allumeuse de jonque, tu m'as pris sur la banquette, pleurant, sec et sanglant. C'est toujours ainsi que la rose éternit mon souvenir. C'est le tri, mais tant autant de bleu que de gris. Si je cherche des souvenirs dispose de belles images de nous en Bretagne qui posent. Et je creuse sur la plage, je trouve partout ton image. J'entends comme une cornemuse, tu n'es pas là et les feuilles s'amusent dans le vent, embarquant les papiers blancs. C'est toujours ainsi que les roses éternisent mon souvenir. C'est le tri, mais tant autant de bleu que de gris. Revenons au carnet rose, tu as sauvé mon toutou parce qu'il était à moi. Je suppose car mon Dieu t'aime pas les chiens, mais t'étais très chic avec le mien. Je trie comme quelqu'un qui perd les pages. Il y a du vent sur la plage. Et c'est vrai, l'autre soir, j'ai failli te ranger dans un bouquin noir. C'est toujours ainsi que les roses éternisent mon souvenir. C'est le tri, mais tant autant de bleu que de gris. Aujourd'hui, parce qu'il fait beau, je pense à toi et ton bâton. Aujourd'hui, parce qu'il pleut plus, je regrette ton absence dépourvue. Mon souvenir, c'est le tri. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire? Aucune idée. Comme parent, je l'encourage à sortir du lit. Comme employeur, je limite ses heures à 15 par semaine. Comme personne de son entourage, je lui donne une petite tape dans le dos. En Mauricie, tout le monde a son rôle à jouer pour la persévérance et la réussite scolaire. Soyonscompères.com. Musique, divertissement, information et conneries. Tout ça dans le dîner de cons de 11h à 13h du lundi au jeudi à C'est fou 89.1. Vous êtes étudiant dans le domaine de la santé? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier avec de nombreux avantages. Conçu pour vous et adapté à votre réalité. Rendez-vous à votre succursale sur le boulevard Jean 23 et découvrez comment financer vos études en toute simplicité. Profitez d'un compte bancaire sans frais et bien plus encore. De plus, courez la chance de gagner un fabuleux voyage au Mexique. Pour tous les détails, visitez banquedelasante.ca. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. Vous êtes étudiant? Visitez la bibliothèque de l'université. Elle regorge de documents scientifiques qui vous aideront dans vos travaux. De plus, un personnel compétent est là pour répondre à toutes vos questions. Consultez notre catalogue, nos bases de données et la plupart de nos périodiques. Renouvelez vos emprunts ou encore réservez une salle de travail en équipe directement de chez vous. Sur place, empruntez un portable ou utilisez nos stations de montage. Visitez notre site web au uqtr.ca/biblio. La bibliothèque de l'université, difficile de s'en passer. C'est fou, ça. 89.1. C'est que ça me donne le goût de danser, là. Oh, c'est tellement de musique entraînante. Rebonjour et rebienvenue à Connaître ensemble. Alors aujourd'hui, on parle de l'attachement. Alors d'abord, j'aimerais accueillir nos deux invités et j'aimerais vous remercier de vous avoir d'être venu en studio avec nous. Alors d'abord, j'aimerais si vous pourriez peut-être vous présenter à nos auditeurs et auditrices. Alors bonjour, moi c'est Jessica Personne, je suis étudiante au doctorat en psychologie à l'Université Laval. Dans un laboratoire, en fait, je fais ma thèse plus sur le domaine de l'attachement. Donc, moi, c'est Jacinthe Bédard-Lacroix, même chose, donc au doctorat en psychologie à l'Université Laval, dans le même laboratoire. Puis moi, c'est ça, je vais m'attarder dans ma thèse plus aux représentations que la mère s'est fait de son enfant, puis comment ça influence ses comportements par la suite. Alors, j'aimerais d'abord, comme première question, pour savoir un peu plus sur quoi vos recherches portent, c'est quoi vos questions de recherche et comment vous procédez, en gros? En fait, c'est sûr que présentement, on mène un gros projet de recherche. Il y a plusieurs questions qui s'inscrivent là-dedans. Notamment, on s'intéresse à la contribution de l'environnement prénatal, dont les facteurs, par exemple, le stress de la mère, la consommation de la mère, qui peuvent influencer le développement de l'enfant. Mais aussi en période prénatale, de voir comment les comportements de la mère influencent aussi ce développement-là. Donc, on a un échantillon de mère de 24 ans et moins. Si les pères sont là, idéalement, on passe les questionnaires avec eux aussi. On essaie d'avoir de l'information avec eux. Mais c'est toujours plus difficile dans des contextes de recherche d'avoir la participation des pères. Donc, on suit les mères de la grossesse. On les prend environ à 20 semaines de grossesse jusqu'à ce que l'enfant ait 15 mois. Donc, à travers ce processus-là, il y a plusieurs évaluations qui sont faites. En période prénatale, justement, il y a des questions sur tout le contexte de stress, la préparation un peu de la mère aussi à la venue de son enfant. Puis en postnatal, ensuite, on a des séquences de jeux filmées avec la mère et son enfant. Nous, on fait des jeux aussi avec l'enfant pour évaluer son développement un peu. On a des mesures aussi à 15 mois. On a une mesure d'attachement, donc une situation en laboratoire qui mesure vraiment la façon dont l'enfant va référer à son parent. Donc, c'est ça, il y a différents types d'attachement dont on pourra parler plus tard, sans doute. C'est ce qu'on mesure, entre autres, dans notre recherche présentement. Avant qu'on aille un peu plus loin sur ce que vous en dites de l'attachement, j'aimerais, si vous pourriez nous définir justement le terme « attachement » et comment ça s'articule au niveau des parents-enfants. Oui, bien c'est intéressant parce que tout à l'heure, le témoignage de Mélanie portait beaucoup sur l'attachement du parent envers son enfant. Nous, on s'attarde plus à l'attachement de l'enfant envers le parent. Donc, comment qu'on définit ça? C'est un peu un lien affectif entre l'enfant puis le parent, que l'enfant, dans le fond, il se sent en sécurité, il se sent en confiance avec son parent. Il sait que s'il est en détresse, s'il y a quelque chose, il peut se référer, il va être consolé, il va être en sécurité. Donc, ça, avoir cette confiance-là, ça lui permet de pouvoir explorer le monde, que, dans le fond, ça lui donne une base de sécurité. Puis on pense justement que cet attachement-là est beaucoup lié au comportement que la mère envers son enfant. Comme par exemple une mère qui est sensible, donc qui va répondre aux besoins, qui va être chaleureuse, qui va être prévisible, qui va être cohérente, dans le fond, dans ses comportements. Ça va permettre à l'enfant, justement, là, d'avoir cette base de sécurité-là. Et j'ai l'impression qu'on parle beaucoup, justement, de l'attachement, puis que c'est très préoccupant pour les parents de le favoriser. Est-ce que vous trouvez que c'est le cas aussi pour, dans le cadre de vos recherches? Est-ce que c'est une préoccupation des parents? Oui, en fait, ce qu'on observe, c'est sûr que l'attachement, de la façon dont on le comprend, est plus ou moins connu. Je crois que, un peu comme on le disait tantôt, l'attachement que le parent va avoir envers son enfant, on entend de plus en plus parler. Nous, la façon dont on le favorise, que l'enfant peut vraiment référer à son parent, c'est peut-être moins connu. Puis j'ai l'impression que ça vient peut-être plus de nous. En fait, il y a plusieurs interventions qui peuvent être proposées aux parents. C'est un peu ce qu'on fait aussi. Puis nous, on essaie un peu de leur apprendre cette importance-là, de développer l'attachement, puis de faire la différence aussi dans les comportements de leur enfant. Puis c'est sûr que dans le cadre de la psychologie, on se penche surtout sur les enfants où c'est plus difficile ou qu'il y a des problématiques, parce que c'est un peu le domaine aussi. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que l'attachement est aussi très important, parce que c'est un peu la base. Donc, le fait d'aller... Il y a des contextes plus à risque. Donc, d'aller travailler dans ces contextes-là plus à risque sur l'attachement, ça peut permettre justement de prévenir certaines choses puis d'améliorer un peu les interactions mère-enfant, ce qui peut prévenir des problématiques plus tard. Est-ce que vous pensez que l'attachement a toujours été vu de la même façon? Bien, c'est un domaine quand même assez récent. Donc, ça fait à peu près 50 ans là, qu'on se penche là-dessus. Il y a une histoire que je peux conter par rapport à ça. Après la guerre, il y avait des orphelinats, puis il y avait beaucoup d'enfants, puis on répondait aux besoins physiques de l'enfant. Donc, tous les enfants étaient nourris, il y avait tous les besoins de base. Mais on s'est rendu compte que malgré ça, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient. Puis on s'est questionné, puis dans le fond, on s'est rendu compte que la sécurité affective était un élément très, très important, même là, un élément par rapport à la survie. Donc, les enfants qui survivaient, c'était parfois des enfants qui réussissaient à avoir plus l'attention des dames là-bas dans les orphelinats, soit qui étaient plus beaux, plus charmants, ou qui manifestaient plus de... Bref, en tout cas, ils réussissaient à avoir plus d'attention, puis ça leur permettait de survivre. Donc, ça nous a montré... Bien, c'est un monsieur qui s'appelle Bowlby, dans le fond, qui, lui, a commencé à dire que, dans le fond, c'était la sécurité d'attachement était une fonction de survie. Puis que, dans le fond, quand le bébé, quand il était en détresse, puis qu'il y avait quelqu'un qui était là pour le consoler, ça lui mettait une représentation du monde. Puis c'est cette représentation-là qu'on a appelé l'attachement. Puis par la suite, c'est là qu'on a développé, qui est Mme Ainsworth, qui a commencé à différencier différents types d'attachement. Puis une façon de le mesurer qu'on utilise encore aujourd'hui, qui est le fait de... qui s'appelle la situation étrangère. Je peux peut-être en parler, vu que c'est quand même assez important, vu qu'on l'utilise encore aujourd'hui pour mesurer l'attachement. C'est, dans le fond, une situation qui se fait en laboratoire dans laquelle on crée des situations, dans le fond, où des séparations entre la mère et l'enfant. La mère sort, l'enfant, il se retrouve toute seule ou avec un étrangère. Et ensuite, la mère revient. Donc, ça fait des situations qui provoquent quand même un certain malaise chez l'enfant. Et là, on peut voir comment il réagit par rapport à ça. Est-ce que quand sa mère revient, il va se tourner vers sa mère pour avoir du réconfort? Puis, dans le fond, c'est là aussi a débuté là, un peu les recherches sur l'attachement. OK. Et est-ce que vous pourriez nous parler davantage sur le processus d'attachement entre les parents et les enfants, en nous parlant surtout au niveau des différents comportements possibles? Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, comme on disait tantôt, nous, c'est très lié à la sensibilité maternelle. Donc, on disait la chaleur. La prévisibilité, donc agir toujours de la même façon, et la cohérence. Comme par exemple, si le bébé pleure, je vais le consoler, je ne vais pas le chicaner, par exemple, je suis cohérent. Chez les enfants qui ont un attachement « sécure », qu'on appelle, à ce moment-là, les parents, c'est ça, ont ces comportements-là. Donc, l'enfant, il peut se référer à sa mère quand il est en détresse. Puis, comme il sent qu'il y a une bonne base, il va aller explorer là, autour de lui, puis il va être confortable. Il y a des mères qui répondent pas, justement, que si le bébé pleure, elles ne vont pas répondre à ces signaux-là. Puis ça peut, il y a toutes sortes de circonstances par rapport à ça, notamment quand on veut que notre enfant soit très, très autonome, on préfère le laisser pleurer parce que, bon, on se dit qu'il faut qu'il apprenne à gérer ces choses-là, tout ça. Donc, ça fait des enfants. L'enfant, ce qu'il peut apprendre, c'est que c'est lui qui doit lui-même gérer ses propres émotions. Donc, il ne peut pas vraiment se tourner vers sa mère parce qu'elle ne va pas répondre. Donc, à ce moment-là, ça va être des enfants qui vont essayer d'éviter, quand ils sont en détresse, ils vont essayer d'éviter le parent pour ne pas justement sentir de rejet par rapport à leur parent. Le fait de ne pas répondre, ça peut être perçu comme ça. Donc, ça, c'est un type d'attachement qu'on appelle l'attachement évitant. Donc, on peut penser que c'est bon parce que l'enfant a l'air très autonome, mais en même temps, quand on regarde physiologiquement, l'enfant, il se sent pas bien quand même. Puis, c'est pas qu'il en vit pas, là, d'émotion. Donc, c'est pas mal ça pour l'évitement. Oui, on peut passer à l'attachement ambivalent, peut-être? Oui, oui, ben dans le fond, à ce moment-là, la mère peut être très affectueuse. Par contre, elle n'est pas prévisible dans ses réponses. Comme par exemple, une fois, elle va répondre quand l'enfant pleure, l'autre fois, non. Donc, c'est pas toujours pareil. Fait que l'enfant, il sait pas trop, lui, si sa mère va répondre non. Fait que quand il est en détresse, il va beaucoup le manifester. Puis si sa mère vient pour le consoler, il va être sûr à consoler parce qu'il pleure, parce qu'il veut être sûr que sa mère reste. Donc, ça, c'est un autre type d'attachement. Donc, des enfants qui vont beaucoup manifester, difficile à consoler, puis tout ça. Puis aussi, ils ont de la misère à explorer parce qu'ils vont toujours regarder autour. Est-ce que maman est là? Elle va-tu partir? Ils sont pas trop sûrs. Donc, c'est plus difficile pour eux d'aller explorer. Puis également, un attachement qui est désorganisé. C'est plus dans des contextes très à risque, maltraitance, abus, tout ça. C'est qu'en même temps que la figure d'attachement, c'est elle qui répond, qui console quand il y a la détresse, en même temps, comme c'est des contextes à risque, la figure d'attachement peut faire peur. Donc, l'enfant, il a peur de son parent, mais en même temps, il veut aller se faire consoler par lui. Donc, c'est difficile à gérer pour un enfant. Il ne sait pas trop quoi faire avec ça. Donc, ça, on voit des comportements, c'est ça, désorganisés. Donc, soit faire des trucs contradictoires, s'approcher, reculer, figer, avoir peur, se sauver du parent. Donc, ça, c'est un autre attachement là, qui est lié à des problématiques plus importantes là, plus tard. Et c'est quoi les répercussions qu'un attachement difficile peut avoir? Ben dans le fond, ça va avoir des répercussions, ça peut avoir des répercussions sur le développement socio-affectif, donc l'adaptation plus tard quand tu es enfant, à l'adolescence, les relations avec les autres, même les relations amoureuses, c'est quand même lié. Puis aussi par rapport au développement cognitif, au développement du langage, ça peut être lié à ces choses. Si je peux me permettre aussi... Jacinthe expliquait tantôt que, dans le fond, l'enfant apprend, par la façon dont sa mère répond, à gérer ses émotions. Par exemple, l'enfant peut ne pas manifester ses émotions ou les exagérer. Donc, ça, c'est en lien aussi avec la régulation des émotions plus tard dans le développement. Comment l'enfant va arriver à faire un sens avec toutes ces émotions-là, puis à les manifester, en fait. Et c'est quoi qui peut être les causes d'un attachement difficile? Tantôt, vous avez parlé un peu des comportements. Est-ce qu'il y a d'autres causes ou... Il y a plusieurs causes. On pense beaucoup à la sensibilité maternelle, en fait, quand on parle de l'attachement, parce que c'est le principal marqueur, en fait, de l'environnement postnatal de l'enfant, tous les comportements sensibles ou non de la mère. Un attachement plus difficile est souvent retrouvé dans des contextes de risque plus élevés. Par exemple, dans des contextes avec des mères adolescentes où les mères ont des difficultés d'ordre plus psychologique, par exemple, des mères plus dépressives, par exemple. Sinon, des enfants prématurés aussi. On pense que tous ces contextes-là, en fait, rendent la mère moins disponible, donc moins sensible et moins apte, en fait, à répondre aux besoins de son enfant. Ça pourrait jouer sur l'attachement. Puis on peut le comprendre relativement bien aussi parce que même les meilleurs parents, dans des conditions plus difficiles, vont être moins disponibles puis vont avoir de la difficulté à répondre de façon prévisible, cohérente et chaleureuse dans tous les contextes. Donc, on pense que ce serait ça. Il y a aussi des facteurs qui peuvent appartenir à l'enfant qui rendent l'attachement plus difficile. Par exemple, un bébé qui pleure beaucoup, qui, dans son tempérament, est plus difficile, ça peut être un plus gros défi, en fait, pour les parents de témoigner aussi des comportements sensibles. La même chose avec les enfants prématurés qui ont des besoins plus importants aussi. Et si les parents ont justement des problèmes d'attachement avec leurs propres parents, est-ce que ça peut influencer l'attachement qu'ils vont avoir avec leurs enfants? C'est sûr que la représentation du parent de son enfant peut contribuer. C'est pas des causes à effet, ce qu'on dit. D'ailleurs, tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est plus des corrélations, des liens. Mais c'est sûr que comment le parent se représente son enfant, ça a aussi lien avec comment lui, quel attachement il a eu avec son parent. Parce que l'attachement qu'il a eu avec son parent, ça lui a permis d'avoir une représentation du monde, une représentation des relations avec les autres. Puis c'est sûr que ça va aussi jouer sur sa perception de la relation avec son enfant. Donc, ça peut influencer sa façon de percevoir les signaux de son enfant, de percevoir qu'est-ce que l'enfant lui... quel besoin il manifeste, la façon d'interpréter ces signaux-là, puis la façon aussi d'y répondre. Donc oui, on ne sait pas exactement encore de quelle façon. Donc, il va falloir continuer les recherches à ce niveau-là. Là. C'est pas encore clair. Parfois, on entend dire qu'on peut jamais trop donner d'affection à son enfant et qu'au contraire, on entend aussi qu'il est bon de le laisser pleurer parfois parce que sinon, il pourrait devenir capricieux. Pouvez-vous nous éclairer un peu là-dessus? Oui, en fait, si on commence par la première partie, là, de trop donner d'affection à son enfant, on peut pas vraiment trop donner d'affection à son enfant tant que c'est fait de façon sensible. Donc, si ça répond aux besoins de l'enfant. Si ça répond plutôt aux besoins de la mère d'avoir son enfant près d'elle ou d'être rassurée par son enfant, qu'il soit toujours en contact, on peut penser que là, ça répond pas aux besoins de l'enfant puis que ça peut être plus néfaste pour son enfant parce que, en fait, les rôles sont inversés. C'est l'enfant qui doit prendre soin de la mère. Dans ces cas-là, ça peut être moins approprié, mais si c'est fait de façon sensible, on peut pas vraiment donner trop d'affection à son enfant. Pour l'idée de laisser pleurer son enfant, c'est une idée qui est assez répandue. Je sais qui est enseignée parfois, par exemple, avec la technique de laisser l'enfant pleurer 5 minutes, après aller le voir, ensuite 10 minutes, 15 minutes. C'est une technique qui est enseignée même. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant n'a pas de mauvaises intentions. L'enfant ne veut pas manipuler le parent. Puis c'est des choses qu'on entend souvent quand on va faire les visites à la maison. Les mères vont nous dire « Ah, il fait exprès, c'est juste pour me tester qu'il va pleurer comme ça. » En fait, les enfants en très bas âge n'ont pas de mauvaises intentions comme ça. Puis, leurs pleurs sont seulement la manifestation de leurs besoins. Donc, c'est important pour le parent à ce moment-là de vraiment répondre. Puis quand l'enfant pleure, c'est important que le parent puisse aller le consoler, puisse le réconforter. Puis c'est de cette façon-là, en fait, que l'enfant va devenir autonome. On pense que c'est en le laissant pleurer qu'il va apprendre, justement, à gérer ses émotions. Mais c'est en le structurant. La mère agit, en fait, comme un régulateur externe pour apprendre à l'enfant à, finalement, devenir autonome sur ce plan-là. OK. Est-ce que vous pourriez aussi nous parler de votre procédure de recherche et de vos résultats jusqu'à présent? Oui, en fait, l'étude est toujours en cours. C'est sûr qu'on rencontre encore des mères. Ce qu'on a pour l'instant, c'est qu'on fait une intervention justement avec les mères où on va prendre, par exemple, des séquences vidéo où ils ont joué avec leur enfant. Puis les intervenantes vont regarder ces séquences-là avec elles, puis vont faire des commentaires sur tout ce que les mères ont fait de positif. Donc, c'est vraiment de renforcer les comportements plus sensibles. Puis on a vu que cette intervention-là a un effet sur la sensibilité. On voit que c'est lié, puis qu'il y a une amélioration aussi pour les mères qui ont reçu de l'intervention. C'est un résultat important pour notre recherche. Il y a d'autres résultats aussi, plus par rapport, on a des mesures aussi physiologiques là, de stress. Par exemple, on prend du cortisol, qui est une hormone de stress chez les enfants. On voit que c'est lié aussi, par exemple, à la consommation d'alcool chez la mère pendant la grossesse. Mais comme je vous dis, là, les résultats sont encore préliminaires, puis la recherche est encore en cours. Et justement, tu parles, bon, au niveau de la période prénatale, y a-t-il des éléments qui pourraient favoriser l'attachement ou au contraire laminer? En fait, c'est sûr, comme on parlait tantôt, les enfants qui vont naître plus petits, par exemple, ou qui vont naître avec un tempérament plus difficile, ça va être plus difficile aussi pour la mère d'être sensible à ce moment-là. Donc, c'est sûr qu'on peut penser que tout ce qui se passe pendant la grossesse, par exemple, on sait que si la mère va fumer ou consomme, elle peut avoir un bébé de plus petit poids qui va demander plus d'attention, plus de soins. Dans ce sens-là, on croit que oui, ça peut modifier l'attachement. Puis, dans notre recherche aussi, on s'intéresse à ça, à la façon dont les comportements pendant la grossesse influencent l'enfant, puis de cette façon-là, peuvent influencer la sensibilité de la mère aussi. Puis ça, on a des hypothèses un peu sur comment ça se fait, toujours en passant par la sensibilité maternelle. Puis En fait, la façon de le tester, c'est de voir les mères qui reçoivent de l'intervention, les mères qui ne reçoivent pas de l'intervention, s'il y a un changement. Donc, ces mères-là qui ont des enfants difficiles, est-ce qu'il y a une différence dans l'attachement pour les mères qui sont plus sensibles puis pour les mères qui le sont moins? Ça, on va le mesurer là, à l'aide de la situation étrangère dont Jacinthe a parlé avec les situations de séparation, de réunion. Et ça, l'an dernier, il y a des scientifiques qui faisaient des recherches sur l'attachement et la génétique. Est-ce que vous connaissez un peu ces recherches? Qu'est-ce que vous en pensez? Je connais un peu ces recherches-là. Je ne voudrais pas trop m'avancer. Là. Je sais qu'il y a des gènes qui ont été identifiés, notamment par rapport à l'attachement désorganisé. Mais c'est sûr que les gènes ne sont, sont pas un marqueur qui va définir l'attachement. C'est sûr que les comportements de la mère vont jouer aussi. L'environnement dans lequel l'enfant va se développer vont pouvoir jouer. Puis la génétique, c'est toujours ça un peu. C'est de voir l'interaction entre la génétique qui peut être un marqueur de risque et de voir comment l'environnement peut protéger malgré le fait que ce marqueur-là soit présent. Et justement, tu parles de l'environnement. Donc, c'est quoi ces facteurs environnementaux qui peuvent venir jouer sur l'attachement? Dans les facteurs environnementaux, il y a, comme on disait, comme on l'a dit beaucoup, en fait, il y a la sensibilité maternelle qui est le principal marqueur parce que la mère reste la figure la plus présente souvent pour l'enfant. C'est sûr que la présence du père peut jouer. Puis, en fait, il y a des conflits aussi entre les parents, la disponibilité des jouets pour l'enfant. Ça peut jouer. Il y a plusieurs facteurs dans l'environnement. Par exemple, nous, les mères qu'on voit, c'est des mères plutôt jeunes, de 24 ans et moins. Souvent, on remarque que leurs mères à elles sont présentes aussi, vont aider dans le développement de l'enfant. Puis, la grand-mère, en fait, va représenter aussi une figure d'attachement importante dans le développement de l'enfant. Je pense que c'est important de dire aussi que l'enfant peut développer un attachement différent avec les différentes personnes qu'il y a dans sa vie, comme par exemple, un attachement peut être différent avec la mère et avec le père, dépendamment de quel comportement ils adoptent, ou avec la grand-mère, là, dans certains cas. Et quand il y a un attachement difficile, est-ce que vous avez remarqué si c'était réversible ou non? Est-ce que vous savez? Bien, dans le fond, ça revient un peu à dire qu'on n'a pas comme un attachement, puis c'est fatal, on va avoir cet attachement-là avec toutes les personnes qu'on rencontre dans notre vie. Dans le fond, ça peut justement, si tu développes un attachement sécure avec ta mère, puis un attachement insécure avec ton père, tu vas voir un peu le monde justement avec ces deux approches-là, et ça se peut que dans différentes relations, soit t'adoptes un peu l'attachement sécure dans d'autres attachements insécures. Mais ça peut changer, c'est pas fatal non plus, dans le sens que si tu développes une relation de confiance avec quelqu'un qui est justement toujours prévisible, toujours là pour toi, tu peux développer là, un attachement sécure. Là. C'est sûr que si avec tes deux parents, de développer un attachement insécure, ça va être plus difficile parce que toi, ce que tu as appris, c'est que quand tu es en détresse, tu ne peux pas compter sur les autres. C'est sûr que ça va teinter un peu comment tu vas voir tes relations, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer là, selon les circonstances qui varient. Si je peux me permettre aussi, ce qui est intéressant dans les recherches avec les enfants comme ça, c'est qu'on prend les enfants vraiment jeunes. Nous, on les prend de la naissance, on mesure l'attachement vers un an. Donc, c'est encore possible de changer ça. En les prenant vraiment jeunes comme ça, c'est des représentations qui sont moins ancrées. Puis, on pense, comme Jacinthe le disait, ça a des répercussions. Donc, en agissant quand les enfants sont aussi jeunes, ça peut limiter ces répercussions-là. Puis, c'est sûr que c'est difficile un peu de le concevoir comme ça. Souvent, on va intervenir auprès des adolescents parce que ça fait plus de crabouches, puis on sait que maintenant, il faut intervenir. C'est plus difficile d'agir dans une optique de prévention. Mais en travaillant justement avec les enfants comme ça, on pense que tout n'est pas joué puis qu'on peut avoir une influence sur leur développement. Et bon, tantôt justement, vous avez un peu mentionné les différents attachements que par la suite l'enfant pourrait développer avec d'autres personnes. Est-ce que vous remarquez que c'est justement un attachement difficile pour avoir ces genres de répercussions-là? Ça peut venir teinter comment les enfants vont interagir avec d'autres enfants, par exemple? De quelle façon ça peut s'articuler? En fait, ça peut s'articuler, là, comme je vous disais, sur le plan de la gestion des émotions. C'est sûr que ça a un impact. Nous, dans notre recherche, vu qu'on arrête de voir les enfants à 15 mois, c'est pas des choses qu'on peut observer, par exemple, en relation plus tard. Ce que les recherches disent en général, comme Jacinthe l'a dit, c'est que ça peut avoir des conséquences sur le plan cognitif. Ça peut être des enfants, par exemple, qui vont avoir plus de difficultés On parlait des enfants qui ont un type d'attachement évitant, donc qui vont garder un peu leurs émotions à l'intérieur, qui ne les manifesteront pas, mais qui vont être aussi activés. Ces enfants-là, plus tard, on observe parfois qu'ils vont devenir plus agressifs. C'est des enfants qui vont être plus agressifs parce qu'ils n'auront pas appris puis qu'ils vont extérioriser leurs problèmes comme ça. Chez les filles, ça peut être des comportements plus, plus déprimés, des sentiments plus déprimés qui vont se développer. Donc, on peut observer toutes sortes de répercussions comme ça qui ont été documentées dans les recherches, en fait. Est-ce que vous croyez qu'il y a des préjugés sur l'attachement qu'il faudrait défaire dans, dans notre société? Bien, dans le fond, je sais pas les préjugés qu'il y a tant que ça, mais je trouve que c'est quand même assez méconnu le fait de, que l'attachement se développe par la sensibilité maternelle. On n'en entend pas autant parler. On met beaucoup l'accent sur la chaleur, le fait d'être chaleureux, le fait d'être affectif, le lien avec l'enfant. Mais je pense que c'est bien important de vraiment garder en tête que le fait d'être prévisible, le fait d'être cohérent, c'est très important aussi pour que pour l'enfant... Il se développe une représentation d'un monde prévisible, d'un monde qui est sécuritaire. Puis ça se développe pas juste par être affectué avec son enfant. Il y a aussi d'autres éléments là, à considérer. Mais je pense qu'il faut quand même dire que la majorité de la population, on a des attachements sécures. Donc, faut pas non plus paniquer avec ça puis vouloir être une mère parfaite. Et, dans le fond, il faut... Le message qu'on veut lancer, c'est de répondre aux besoins et d'être prévisible. Puis je pense que c'est un peu ça. Là. Et comment l'attachement peut se modifier avec le temps? Parce que tantôt, vous avez parlé un peu que s'il y a des comportements qui changent, mais comment ça peut se modifier avec le temps? En fait, c'est qu'au fil des comportements que la mère va faire, son enfant va pouvoir un peu changer ses représentations puis comprendre qu'il peut référer justement à son parent. Fait que d'un enfant qui garde tout en dedans, on peut passer à un enfant qui va apprendre tranquillement, qui peut pleurer, que sa mère va répondre quand il pleure. Donc, c'est plus à ce niveau-là que ça va changer, vraiment au fil des comportements que les parents ont avec leur enfant. Puis, tu me corrigeras si je me trompe, mais aussi plus tard, là, à l'âge préscolaire ou début de l'âge scolaire aussi, l'enfant peut développer des stratégies comme si... si l'enfant n'est pas certain là, que son parent est là ou qu'il va répondre, il peut aussi essayer de contrôler son parent, donc, puis lui dire « bon, là, tu vas faire ça, tu vas faire ça ». Donc, je pense que c'est quelque chose qui se fait plus dans l'attachement désorganisé, mais il y a certaines stratégies que l'enfant va se mettre à adopter pour essayer de justement rendre son monde prévisible puis que garder sa figure d'attachement là, plus près. Comme aussi dans l'attachement évitant, l'enfant... Il peut aussi faire beaucoup de demandes instrumentales. Donc, comme les demandes affectives sont moins reçues, le fait de pleurer puis demander d'être consolé, l'enfant peut aussi se mettre à faire plus de demandes là, au niveau des soins ou des choses plus, plus instrumentales. Là. Bon, c'est bientôt la fin de l'entrevue. Alors, je voudrais savoir si vous aimeriez ajouter autre chose pour conclure, si vous aviez d'autres éléments à... En fait, je pense qu'on l'a mentionné un peu, mais c'est important de rappeler, on a beaucoup parlé de la sensibilité maternelle, à quel point c'est important de répondre aux besoins de l'enfant. Mais le message, c'est pas d'être une mère parfaite, comme on l'a dit. Il y a la notion de mère suffisamment bonne, si on veut. Donc, c'est sûr que dans les conditions de vie actuelles, c'est difficile d'être toujours présente et disponible. Mais c'est de savoir qu'il faut répondre aux besoins de son enfant, en fait, puis que c'est ça l'important. Bon, ben, j'aimerais vous remercier énormément d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui et on vous souhaite bonne chance dans la suite de vos recherches. Merci. Avant de conclure cette 8e émission autonome de Connaître ensemble, j'aimerais vous rappeler que demain et vendredi, soit les 25 et 26 novembre, aura lieu le colloque Enfanter le monde à Québec. C'est organisé par l'Agence de santé publique du Québec. Ce colloque rassemblera des personnes issues des milieux de la santé, des services sociaux et de la fonction publique, ainsi que des milieux communautaires et des parents. Le but de la rencontre, c'est essentiellement pour renforcer notre confiance dans la capacité naturelle de porter nos enfants, de les mettre au monde et de les nourrir physiquement, psychiquement et spirituellement. Elle se veut une étape majeure dans l'évolution du regard posé sur la période périnatale, processus fondamental de la physiologie humaine et de notre société. Le colloque s'articulera autour de trois grands thèmes, soit l'accouchement physiologique, l'allaitement et devenir parent. Pour connaître la programmation et pour en savoir plus, je vous invite à consulter le site internet du colloque www.enfanterlemonde.com. www.connaitreensemble.com. D'ailleurs, dans deux semaines, nous consacrons une émission de Connaître Ensemble sur ce sujet. Nous aimerions aussi vous dire que c'est ce vendredi soir que les résidents des environs de Québec pourront assister à la pièce de théâtre Naissance, dont nous avons parlé la semaine passée. Celle sera lieu ce vendredi à 20h au théâtre Les Gros-Becs pour sa première au Québec. Nous tenons aussi à vous rappeler le concours de fonds communautaires Aviva qui vise à encourager les initiatives positives et durables pour la société. Deux projets de maisons de naissance sont en liste. Ces projets ont un grand potentiel de réussite. Allez voir vous-même. Il suffit de deux minutes. Vous pouvez aller voter au www.fonds-communautaire-aviva.org. Revenez-nous mercredi prochain pour entendre une émission sur la reconnaissance des acquis. Nous aurons la chance d'accueillir Nawal Alazouar, sage-femme marocaine et maintenant étudiante en pratique sage-femme à l'UQTR. Je vous rappelle que toutes nos émissions se retrouveront sous peu au www.uqtr.ca/co-naître en balado-diffusion. Nous invitons aussi à nous écrire vos commentaires, vos questions et vos suggestions à l'adresse suivante co.naître-ensemble@uqtr.ca. Je tiens à remercier tout particulièrement la Chasse Galerie pour sa commandite, Maud Côté à la réalisation, Bronwyn Agnew à la technique et nos trois invités, Mélanie Darcy, Jacinthe Bédard-Lacroix et Jessica Pearson. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente semaine. Nous allons nous quitter en musique sur la première suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, interprétée par Anna Bilsma. C'était Jessica Boulanger pour Connaître Ensemble. On vous attend mercredi prochain de 10h à 11h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Sur les ondes de C'est fou, voici